plus rien que ton parfum entre mes mains, que je respire et qui me manque, tandis que tu rentres chez toi, je te revois tout contre moi. Je m'ennuie de toi.